Si l'homme évolue, plus il évoluera, plus il devra comprendre le mouvement de son mental, plus il devra saisir la réalité de son mental. Le mental de l'homme est en effet un mouvement d'énergie. Il ne représente pas simplement un plateau d'intelligence, un niveau d'intelligence. Il représente un mouvement d'énergie intelligente. La réalisation, la conscience du mouvement mental de l'homme est essentielle à l'évolution psychologique de sa connaissance planétaire, à l'évolution historique de sa connaissance planétaire, et aussi à l'évolution métaphysique de sa science interne. L'homme, au cours de l'évolution, pour en arriver éventuellement à vivre le contact avec les intelligences qui doivent, dans un certain temps, venir vers la Terre pour récupérer sa race, doit élever le taux vibratoire de son mental, doit prendre conscience du mouvement mental de sa conscience réelle. Car c'est dans le mouvement de la conscience mentale que s'établira la connexion entre l'homme de la Terre et l'homme venant d'ailleurs, c'est-à-dire les forces de la lumière, qui serviront de pont entre l'homme matériel et l'homme éthérique. Le mouvement mental de l'homme de l'avenir constituera la seule et unique mesure de sa conscience. Contrairement à l'homme de l'évolution, où le mouvement mental n'était pas perçu, mais simplement réfléchi, chez l'homme nouveau, le mouvement mental sera perçu et actualisé. Et c'est dans la perception et l'actualisation de ce mouvement mental que l'homme découvrira le fil d'Ariane qui doit le mener éventuellement à une prise de conscience totale, à une réalisation totale et à l'ouverture du plan éthérique de sa conscience. Pour que l'homme prenne conscience du mouvement mental en lui, il doit graduellement vivre sa conscience à la pointe de son esprit. Il doit vivre sa conscience le plus possiblement éloignée de la réflexion égoïque. C'est-à-dire qu'il doit sentir dans sa conscience un mouvement mental qui constitue pour lui la sommité vibratoire de son énergie intelligente et le recul de plus en plus grand, de plus en plus réel de l'activité cérébrale rationnelle de son ego. Ceci ne veut pas dire que le mouvement mental de l'homme n'est pas rationnel. Ceci veut dire que le mouvement mental de l'homme, dans son actualisation, concrétise le partnership, l'alliance, entre l'ego et le double, concrétise la relation entre la lumière et la matière, concrétise la fusion de l'homme et le prépare éventuellement au contact avec les terres. Au stage où l'homme en est aujourd'hui, au stage où il lui est permis de réaliser le mystère de sa propre conscience, il est évident que l'homme ne possède pas la totalité de sa vision. Pourquoi? Parce que l'homme encore fonctionne psychologiquement par rapport aux valeurs transmises dans son mental, par rapport aux pensées, par rapport à l'émotion des pensées, par rapport à ce que les pensées font vibrer en lui de désir, d'enthousiasme, d'ambition ou de vision partielle. Mais dans le mouvement mental de la conscience humaine s'exprime la totalité de la dimension psychique intégrée de l'homme. C'est-à-dire que dans ce mouvement mental, l'homme, l'humain planétaire, l'humain animé par la mémoire, disparaît pour que se manifeste l'humain cosmique, l'humain esprit, l'homme esprit, l'homme en fusion. Le mouvement mental de la conscience de l'homme est équivalent à la génération instantanée de l'esprit à travers le cerveau. Le mouvement mental de l'homme est équivalent à la présence absolue du double dans son mental. Le mouvement mental de l'homme est intrinsèquement un phénomène de psychisme actualisé. Il n'y a rien de psychologique dans le mouvement mental. Il n'y a rien d'égocentrique dans le mouvement mental. Le mouvement mental est une dimension supérieure de l'intelligence humaine. Il représente catégoriquement une facette mystérieuse de l'homme. Il représente inévitablement un aspect de la fusion humaine. Il représente donc un aspect de l'avenir de l'humanité. Et c'est dans le cadre de cette réalité que l'homme doit saisir l'opportunité créative de son esprit à travers un mental éveillé à la capacité de nouvelles compositions, c'est-à-dire à la capacité d'éveiller en lui une nouvelle gamme de connaissances, une nouvelle gamme de savoir, une nouvelle gamme de relations entre l'esprit et l'ego. Pour que l'homme reconnaisse, pour qu'il en arrive à reconnaître le principe fondamental de sa nature, la nature évidente de son moi, la nature réelle de son psychisme, l'inévitable réalité de son être, il lui faut procéder à l'évolution psychique de son moi, afin de pouvoir finalement sentir, vibrer, réaliser le mouvement mental. Le mouvement mental de l'homme est inévitablement la plus haute vibration que peut manifester l'esprit dans son cerveau. Le mouvement mental est inévitablement le plus grand rapport qui puisse exister entre la lumière et l'ego. Le mouvement mental est ultimement l'esprit cristallisé dans l'ego. L'homme, pour qu'il soit sur le plan matériel, pour qu'il devienne sur le plan matériel, un être avisé, c'est-à-dire un être capable de répondre de tout ce qu'il doit savoir dans le cadre de son évolution, doit pouvoir vivre, vibrer essentiellement. Et vibrer essentiellement, c'est pouvoir manifester le mouvement mental, c'est-à-dire se détacher égoïquement de la valeur de la forme pour laisser passer le souffle vibratoire de l'esprit qui, dans sa formulation créative, donne à l'homme la capacité de parler, la capacité d'agir, ou, s'il le veut, la capacité de communiquer. Le mouvement mental de l'homme est tellement une grande dimension de son être-té. Il représente tellement la profondeur de l'être. Il est tellement le produit de la synthèse de la lumière avec la matière, qu'il représente, certes, chez l'être humain, le plus haut niveau d'évolution possible sur une planète expérimentale au stade où nous en sommes aujourd'hui. Donc, le mouvement mental, dans sa qualité harmonique, dans sa nature primordiale, dans sa fonction créative, représente tout ce que l'homme sur la terre, dans un corps matériel, a besoin de vivre afin de finalement sentir qu'il est total. Le mouvement mental en soi coexiste éternellement avec l'esprit. Le mouvement mental coexiste parfaitement avec l'homme, et de ces deux qualités qu'il possède, permet à l'esprit et à l'homme de voyager ensemble dans le temps, même si l'homme aujourd'hui ne peut pas le réaliser parce qu'il n'est pas encore doté d'une conscience morontielle, c'est-à-dire d'un corps éthérique, capable d'être utilisé à volonté et sujet à la conscience de l'homme. Il y a chez l'être humain, pour des raisons que nous connaissons, pour des raisons de foi, pour des raisons de croyance, pour des raisons de réflexion, pour des raisons de raison, l'intelligence rationnelle, il y a chez l'être humain un mur qui existe et qui entoure son mental. Ce mur fait partie de la mémoire humaine. Ce mur fait partie du passé de l'homme et de l'humanité. Et ce mur doit sauter. Et la seule réalité, le seul principe, la seule dynamique qui existe dans la conscience ultimement universelle de l'homme, qui puisse faire sauter ce mur, c'est le mouvement dans le mental. L'homme n'est pas habitué à vivre le mouvement dans le mental parce qu'il n'est pas habitué à se livrer totalement à sa lumière. C'est très difficile pour lui de se livrer totalement à sa lumière. C'est-à-dire que c'est très pénible et difficile pour lui de posséder la mesure de sa totale confiance intégrée. Et comme l'homme n'a pas la mesure de sa totale confiance intégrée, il n'a pas la mesure de sa totale puissance, donc il n'a pas la mesure de sa totale réalité, donc il n'a pas la mesure de sa totale capacité. Et effectivement, dans le mouvement mental, la totale capacité de l'homme existe parce que l'esprit est cristallisé dans la matière. C'est-à-dire que l'esprit est parfaitement unifié au cerveau. De sorte que la nature mentale de l'homme cesse d'être réflexive pour devenir instantanément créative. Ce n'est pas simplement un phénomène de transmutation, c'est un phénomène de résurrection psychique. Et l'homme doit en arriver un jour à bénéficier, à saisir ce que veut dire la résurrection psychique, c'est-à-dire la capacité intégrale de définir par lui-même selon son propre mode d'expression l'infini absolu de sa capacité mentale d'intégrer l'énergie de la lumière pour le bénéfice de l'ego. Cette résurrection psychique de l'homme, c'est-à-dire sa capacité d'abattre finalement le pouvoir du subconscient et de transmettre au-delà de ses limites des données qui font partie de la fusion de l'esprit et de l'homme, dans un temps qui convient parfaitement à l'esprit, et qui aussi convient parfaitement à l'homme. Le mouvement dans le mental est extrêmement abstrait pour celui qui ne le connaît pas, extrêmement occulte pour celui qui recherche l'origine de sa réalité, mais extrêmement concret pour celui qui le vit. Et c'est dans le mouvement du mental que l'homme découvrira l'infinité de l'esprit. C'est dans le mouvement du mental que l'homme découvrira l'infinité de l'esprit et qu'il cessera, une fois pour toutes, de se questionner sur la valeur de la vie, sur les possibilités de la vie ou les impossibilités de l'existence. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera finalement à se libérer réellement du connu. Parce que se libérer du connu ne veut pas simplement dire oublier le passé. Se libérer du connu veut dire pénétrer mentalement dans l'avenir de la race, pénétrer mentalement dans l'avenir de l'évolution, pénétrer mentalement dans le temps futur, pénétrer mentalement dans l'essence même de l'esprit, connaître mentalement les dimensions psychiques de l'être-té, c'est-à-dire savoir parfaitement où en est rendu l'humanité et l'individu, cosmiquement parlant. L'homme a besoin de connaître tout, de comprendre tout, de savoir tout, d'avoir accès à tout. Pourquoi? Parce qu'il représente intrinsèquement une partie cosmique de la lumière totale. Donc, il représente intrinsèquement une matière organisée de telle façon qu'elle peut, elle, dans un certain état, parfaitement répondre à la pulsation cosmique universelle de sa propre lumière. L'homme n'est pas simplement un être humain, un animal intelligent. Il représente aussi une capacité biologique, psychique et magnétique. Il est dans le fond un être à plusieurs étages. Il est dans le fond une multiplicité de possibilités. Et il représente ultimement une dimension de l'éternité dans la matière. Et comme il représente une dimension de l'éternité dans la matière, viendra le temps, le jour, où l'expression de cette éternité dans la matière se fera sentir, se rendra à l'évidence de l'homme, et nous verrons alors sur la terre de grandes choses se manifester. À la mesure de cette éternité dans la matière, c'est-à-dire à la mesure de notre temps, à l'intérieur de notre propre temps. Mais pour que l'homme en arrive finalement un jour à pouvoir apprivoiser ce qu'il a pendant des millénaires consumé, pour qu'il puisse apprivoiser, mater ce qui, pendant des millénaires, a fait de lui un pauvre d'esprit, pour qu'il puisse apprivoiser ce qui, pendant des millénaires, a constitué l'ultime limite à son intelligence, pour qu'il puisse apprivoiser tout ce qui puisse se dresser devant lui, devant sa vision, devant ses yeux, et ultimement, devant sa force, il doit commencer à mettre le doigt, à sentir, à percevoir ce que veut dire le mouvement de son mental. L'homme comprendra ce que veut dire le mouvement de son mental lorsqu'il aura commencé à lâcher prise sur la valeur psychologique de la forme qui constitue pour son mental, c'est-à-dire le monde de ses pensées, une qualité résonante pour l'ego. L'homme deviendra alors libre, c'est-à-dire capable de pénétrer dans un autre temps et faire vibrer ou amener ou apporter dans son propre temps une nouvelle dimension du savoir, c'est-à-dire une connaissance intégrale, c'est-à-dire une connaissance qui n'est pas enregistrée dans le cosmos. Tant que l'homme ne pourra pas emporter vers l'homme ou vers l'humanité une connaissance qui n'est pas enregistrée dans les archives, toute forme de connaissance qu'il possédera sera entachée des lois karmique, sera entaché des lois évolutives et sera le produit d'une coloration, d'une information et d'un contrôle, c'est-à-dire d'une manipulation à partir des plans subtils de l'astral, que nous pourrons demain appeler les plans favoris des forces lucifériennes. Autrement dit, l'homme nouveau, l'homme qui vivra dans le mouvement de son mental, connaîtra l'absence totale de direction dans la perception de son intelligence. Et de cette absence totale de direction, il créera une nouvelle direction pour l'humanité. Mais si l'homme sent ou perçoit une direction dans son mental, une direction dans le mouvement de ses pensées, la direction qu'il perçoit est une direction figée dans son propre temps. Elle ne fait pas partie de la direction et du temps de l'esprit. Donc, elle ne peut pas servir à l'évolution de la conscience. Elle ne peut servir qu'à l'évolution de l'involution. Et c'est l'évolution de la conscience qui est importante, cosmiquement parlant, pour l'homme. C'est l'évolution de la conscience parce que la conscience représente ultimement le lien entre la lumière et la matière. Donc, elle représente ultimement le lien entre les grandes fraternités universelles de la lumière et les grands peuples des mondes créés par ces énergies. Pour que l'homme en arrive finalement à comprendre la totalité des mystères, pour qu'il puisse facilement faire éclater les visions sages et mystiques physique de l'astral. Il lui faut être capable de vivre le mouvement du mental, car c'est dans le mouvement de son mental qu'apparaît finalement l'absolu. C'est dans le mouvement de son mental que se manifeste la dignité créative de cet absolu. Et c'est dans le mouvement de son mental que l'homme pourra finalement faire germer sur la terre une science, c'est-à-dire une conscience, c'est-à-dire une réalité. Mais si l'homme n'en arrive pas à faire germer la science, donc la conscience, donc la réalité, il ne peut pas participer demain à l'ouverture des voiles vers un autre temps. Il ne peut pas participer à l'éthérique de sa conscience. Il ne peut pas participer à l'immortalité de la conscience. Il ne peut pas connaître la vie après la mort. Il ne peut pas réaliser jusqu'à quel point il a acheminé pour devenir parfaitement autonome, identique, universel et réel. Et l'homme doit en arriver un jour à concrétiser sur le plan matériel toutes les vertus qui font partie des hiérarchies lumineuses. L'homme doit représenter un jour sur la planète ou sur d'autres globes la totalité des correspondances vibratoires de l'intelligence expérientielle de ces intelligences qui font partie d'autres temps, au-delà de la forme. L'homme doit un jour comprendre la nécessité d'intégrer ce qui est parfait avec ce qui est limité. Il ne pourra le faire que lorsqu'il aura commencé à prendre conscience du mouvement dans le mental. Parce que le mouvement de le mental forcera l'homme à se dissocier psychologiquement de la valeur de la vie pour entrer psychiquement dans la compréhension de la vie. Et tant qu'il sera rattaché psychologiquement à la valeur de la vie, il y aura dans son expérience une multitude de facettes de connaissances qui viendront appesantir sa réalité afin d'alléger sa vie. Et l'homme doit être libre, léger, dans sa réalité, s'il veut comprendre la vie, parce que la vie ne peut être que l'expression de sa conscience. Jamais sa conscience ne doit être la manifestation de sa vie. La conscience en elle-même existe en dehors du territoire matériel de l'homme. La conscience en elle-même existe en dehors de l'humanité matérielle. La conscience de l'homme existe en dehors des limitations sensorielles. La conscience de l'homme existe en dehors du temps humain. La conscience de l'homme doit exister finalement dans une jointe aventure avec la matière éthérisée. Mais ceci ne sera possible que lorsque l'homme aura finalement bénéficié de la compréhension ultime de sa conscience à travers la perception absolue du mouvement dans son mental. Le mouvement du mental de l'homme est équivalent à la manifestation électromagnétique de ses cellules. Donc, il représente ultimement la conscience de ses cellules. Et la conscience des cellules de l'homme est un monde en lui-même. La conscience des cellules de l'homme est en elle-même la représentation cosmique de son macrocosme. Et la conscience des cellules doit, chez l'être humain, révéler à l'homme, non pas à l'ego réflectif, mais à l'homme qui est un aspect de la totale humanité, jusqu'à quel point il est divinisable par la rencontre de l'énergie et de la matière. Mais ceci ne peut pas être possible si l'homme ne connaît pas, ne réalise pas le mouvement dans le mental. Parce que le mouvement dans le mental n'est pas simplement une prise de conscience chez l'homme, il est l'expression de la conscience, il est la voix de la conscience, il est le mouvement du feu cosmique à travers la conscience des cellules. Et le feu cosmique de l'homme, c'est le mouvement naturel de sa conscience qui évite les attributs psychologiques de la foi, les attributs psychologiques de la croyance, les attributs psychologiques de la connaissance, les attributs psychologiques nés du besoin et de la soif humaine de connaître son origine. La conscience de l'homme connaît ses origines. La conscience de l'homme connaît son avenir. La conscience de l'homme connaît tout. La conscience de l'homme est ultimement universelle, cosmique, parfaite. C'est l'homme lui-même, avec ses mécanismes, avec son ego, avec ses habitudes, avec ses antécédents, qui diminue sa conscience et qui fait interférence avec le mouvement mental de son être-té, c'est-à-dire avec le mouvement mental de son énergie, c'est-à-dire avec le mouvement naturel de son esprit. Donc le mouvement mental de l'homme, c'est le mouvement de son esprit dans le cerveau. Le mouvement mental de l'homme, c'est la présence de son esprit dans le cerveau, et seule la réflexion égoïque peut entraver cette perception. Seule la réalisation créative d'un mental diminué dans l'égocentricité psychologique du moi peut vibrer à cette réalité, peut entrer dans le temps de cette réalité, peut participer à cette réalité, jusqu'au jour où l'homme libéré de la matière entrera en fusion totale, éternelle avec cette réalité. Donc l'homme a besoin de connaître des choses qui ne font pas partie de sa conception humaine de la vie. L'homme a besoin de connaître des choses qui ne font pas partie de la solution psychologique de son moi face à la vie. L'homme a besoin de connaître des choses qui font partie ultimement de l'aspect cosmique de son essence. Et pour ce, il doit se rendre à l'évidence de la nature créative et réelle du mouvement dans son mental. Et pour se rendre à l'évidence du mouvement dans le mental, il doit prendre conscience de son être-té. Prendre conscience de son être-té veut dire graduellement s'habituer à contrôler, à dépasser les limites psychologiques que lui traduit l'ego constamment à cause de l'émotivité dans le mental. Si l'homme veut en arriver un jour à composer avec la matière, à tous les niveaux, s'il veut un jour réellement redonner aux prophètes ce qu'ils ont reçu, c'est-à-dire la gloire d'être bienveillant par rapport à l'humanité, il lui faudra commencer à comprendre comment se constitue la connaissance, comment se constitue le savoir, comment se constitue l'être-té, comment se constitue la présence, comment se constitue un aspect de l'absolu dans l'homme, comment se constitue le dialogue entre l'infinité et la matière, comment se constitue le temps, comment se déchire le temps, et comment l'homme parviendra inévitablement à déchirer le temps de son inconscience pour entrer dans le temps de sa conscience. Vive le mouvement dans le mental, vive le mouvement du mental, est tellement important pour l'homme qu'il constitue en lui-même la preuve de sa réalité. La réalité humaine, la réalité future de l'homme, la conscience de l'homme, son principe cosmique manifesté sur le plan matériel, sera d'abord perçu à travers le mouvement de son mental. Et tant que l'ego n'aura pas pris conscience de ce mouvement dans le mental, tant qu'il n'aura pas pris conscience de la dissociation psychologique du moi face à la pénétration de sa propre lumière, l'homme n'aura pas une mesure de sa réalité, il n'aura pas une sécurité profonde et parfaite de son être, il ne pourra pas bénéficier complètement de ce qu'il sait et de ce qu'il peut dire. Le mouvement dans le mental est tellement une grande expérience chez l'homme nouveau qu'il constitue en lui-même la preuve définitive de sa réalité et aussi la preuve définitive qu'il est sorti totalement de la polarité de la connaissance. C'est dans le mouvement du mental que l'homme découvrira l'élimination totale de sa mémoire psychologique dans l'instant où ce mouvement se manifeste. L'homme qui aura pris conscience du mouvement dans le mental pourra facilement prendre conscience de tout ce dont il a de besoin pour parfaire sur le plan matériel la connaissance des autres. C'est-à-dire qu'il aura parfaitement la capacité d'instruire l'homme et de donner à l'humanité les clés nécessaires à l'évolution de sa conscience future. Mais si l'homme ne prend pas conscience du mouvement de le mental et qu'il préconise sa connaissance sur une forme quelconque d'expérience rattachée au passé, il se verra dans le temps déplacé. C'est-à-dire qu'il réalisera inévitablement que d'autres êtres ont déjà depuis longtemps avancé au-delà de ce que dans ce temps il sera lui-même. Et c'est ainsi que les hommes, dans l'avenir, prendront leur place dans la réalité universelle du moi, composée intégralement par la lumière et l'ego, au profit de l'évolution individualisée et au profit de l'évolution de l'humanité dans le temps. L'évolution de la conscience sur la Terre est directement reliée à l'évolution de la connaissance, mais l'homme découvrira demain que l'évolution de la connaissance est directement rattachée à la puissance du mouvement dans le mental. La connaissance demain pour l'homme ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui, dans ce sens que elle ne parviendra plus à assurer à son ego la dignité psychologique de sa recherche mentale. La connaissance demain servira simplement à faire avancer l'ego jusqu'au point au cours de son évolution, où il n'aura plus besoin d'elle pour satisfaire sa curiosité humaine. Et c'est dans le mouvement du mental que l'homme découvrira cet aspect caché du savoir, cet aspect caché de la lumière derrière la forme, et qu'il constatera que la forme en elle-même n'est qu'un aspect polarisé de la lumière. Il ne représente que l'effet yin-yang sur le psychisme humain. Lorsque l'homme sera totalement libre du yin et du yang de la forme, il pourra facilement bénéficier de n'importe quelle connaissance. Il pourra facilement manifester n'importe quelle connaissance. Il ne sera jamais affecté parce qu'il saura. Pourquoi? Parce que la mémoire, qui est la forteresse du yin et du yang, aura éclaté dans la lumière et que la polarité aura été substituée complètement et parfaitement à la synthèse. C'est alors que l'homme sera un homme-esprit, que l'être humain aura parachevé finalement son contrat karmique avec l'âme et qu'il aura finalement pénétré les grands royaumes de l'esprit, c'est-à-dire les différents temps, où l'être dans sa totale composition représente ultimement le principe cosmique humanisé de l'Aleph. Le mouvement dans le mental sera réalisé au fur et à mesure que l'homme prendra conscience égoïquement de sa petitesse. Et plus l'homme dépassera cette illusion, plus l'homme rejettera cette illusion, plus il sera forcé de plonger dans le mouvement de son mental et de ressortir finalement par la grandeur croissante de son intelligence créative. Si l'homme ne réalise pas sa petitesse, il ne peut pas réaliser sa grandeur. Mais d'un autre côté, à partir du moment où il a réalisé sa petitesse, à partir du moment où il a compris qu'il est en effet un petit homme, et que cette petitesse est totalement illusoire, totalement factice, il comprendra le mouvement du mental, il bénéficiera de la présence de son esprit, et naturellement commencera à se déplacer dans d'autres temps pour comprendre éventuellement que la nature humaine n'est pas ce que l'homme, pendant l'évolution, a cru être, mais que la nature humaine est et représente la totalité des possibilités que l'homme peut, à volonté, projeter dans un avenir certain, dans la mesure où il est capable de vivre le mouvement de son mental lorsqu'il projette l'avenir de sa propre réalité ainsi que l'avenir de l'humanité. Mais si l'homme doute à cause de la petitesse de son esprit, de la réalité infinie de son moi, il ne pourra pas bénéficier du mouvement dans le mental, car l'ego cherchera à retarder l'évolution de l'esprit et l'âme cherchera par tous les moyens à contrôler l'ouverture mentale de l'ego en créant dans le mental de l'homme une forme quelconque d'illusion cherchant à mystifier sa petitesse ou donner illusion à sa grandeur. Dans le domaine de l'esprit, tout est réel. Dans le domaine de l'homme, tout est possible. Dans le mouvement du mental, la réalité et les possibilités s'entrecroisent pour créer demain l'immortel, pour créer demain la fusion, et pour permettre à l'homme de passer d'un temps à un autre, afin qu'il puisse finalement reconnaître ses frères, afin qu'il puisse finalement travailler avec ses frères et être récupéré de la surface de la terre.